ça, yeah. Moi je trafique, nigga, Joe Lucas. Plus les êtres humains mes cœurs, plus les animaux mes meufs. Ici bas, je ne peux me reposer que sur mes meubles. Le yang toujours relevé, 100 fois le yak. Si un jour le borgne est roi, tu pourras m'appeler Ravaillac. Je suis un putain de chien créole, j'en ai la plume. La France a une belle gueule, c'est son cul qui m'a plu. Dès le premier morceau, on m'a peut-être fait quelque chose. Le rap m'a envoûté, 13 berges après le berceau. Depuis je parle à ma feuille, nettoie avec amour mon art et le mollet au black comme une arme à feu. Avec la poisse et la niaque en un seul homme. Je suis pas une conscience politique, mais un salaud. Transpirant des textes crus, saignant cuit à point. On devient chien là, on ne pousse pas les fruits à pain. Encore un coup du ciel, j'ai la chance des Kennedy. Mais je veux pas mes bouts de cervelle au-dessus du ciel. Les galons, on les gagne, volontaires kamikazes. Hey. Les hooligans sont tapes graves, que ce soit qu'un match amical. Que dire d'autre? Les petits ont pété à dire l'eau. Y'a les nantis et les anéantis, c'est-à-dire nous. J'ai entendu, ces noirs niquent les biens. Je les ai vus faire les putes, les chiens. Salut Hitlérien, on est bon, c'est ça le blême pro. J'ai entendu les RG dire Mendoza, il écrit le sale négro. Quand je les entends crier à Itrema, eux, je jouis comme un huissier à Ike et à vieux. Pareil que tu survis grâce à la CAF. Moi l'ami j'ai failli fumer ma vie, mais j'ai craché la taf. La merde on la voit, la merde on l'entend. Ne traite pas ma mère, ne drague pas la merde. Mon enfant merde, mec t'es dingue. Je veux les atteindre avant de m'éteindre. Certains collectionnent des timbres et d'autres des timbres. Je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Non, je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Ils me font rire au frère Alberi. Un Oscar quand elle se fait prendre son cul de négresse. Et Denzel Alcien, non pour Malcolm mais pour le rôle de Nek. Corrompu dans Training Day, yes. Ne marche pas dans mes converses ou mes Nike Air. Vis ta vie, je vis la mienne. Et sur la vie de ma mère, ils veulent faire pleurer la mienne. Car on veut ma mort, car la plus belle ville du monde veut ma drogue. Mais je ne crains personne, si ce n'est Dieu ou le chauffe dans de Chine. Tu connais Vic McKay, c'est triste, je te jure, mais je rigole pas. Et comme dit mon pote Luciano, Joe il rigole mais il rigole pas. À vrai dire j'ai trouvé ma voix. Faire du ralice avec ma foi, avec ma voix, avec tes voix nasales. En bref, c'est soit 88.2 génération ou de la frappe à 09 pour toutes les générations. Tu vois non, tu vois non. Je suis là, juré, même quand on dirait que je tremble. Touche un des miens, je te tuerai, après j'irai me rendre. Je pars en vrille, ok, mais c'est le démon ça. Non, je te ferai pas de mal, madame. Vite ta caisse dans mon sac. Aux assises, nous on tient debout. Devant la barre, on ment, en fumant un garci, ça on tient debout. T'as ce que je veux, négro, donne-moi ton nom. Nous, on veut tout, génération, salade, tomate, oignon. Au bout de la pente, y'a de l'or, nous. Quand on sort, on bouge à 30. Parce que hors de chez nous, les porcs nous attendent. Tu vois à quel point les gens sont tous fous, c'est indécent. Je m'en fous, lâche le volant sur le rond-point des champs. Veulent tous mourir, canardés, à Clignancourt. Mais les pauvres meurent d'une cirrhose fauchée, y'a un crédit en cours. Je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Non, je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Non, je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Non, je ne joue pas si la médaille n'est pas en or. C'est grave moi, je crois en Dieu mais pas en l'homme. J'avance malgré les bâtons dans les jambes. Tu sais cette vie je peux pas la changer, alors je la change. Non.